Je te regarde, t'as le visage serré. De fil en aiguille, on se perd. Je suis pas la seule meuf à crier, ni la seule à te dire ce qu'il faut faire. Fais pas ci, pas ça, ton temps, le perds pas. Fais comme si, comme ça, ton pote, je le sens pas. Parcours le monde entier, je serai toujours dans ta tête. Même si le mal est fait, tu sais bien que je veux que tu restes. Est-ce que tu te rappelles ce qu'on s'était promis? À la vie, à la muerte, c'est ce qu'on s'était dit. À la vie, à la mort, à la vie, à la vie, à la mort. À la vie, à la mort, à la vie, à la vie, à la mort. À la vie, à la mort, à la vie, à la vie, à la mort. À la vie, à la mort, à la vie, à la vie, à la mort. Tous les jours prise de tête, tous les jours on veut se quitter. Si l'un de nous lâche l'affaire, on sait déjà qu'on va se manquer. Je te dirai jamais d'aller voir ailleurs. Ton bonheur est là, c'est moi la meilleure. À peine rentrée, la question ne se pose pas. On sait déjà qu'on va se manquer. Parcours le monde entier, je serai toujours dans ta tête. Même si le mal est fait, tu sais bien que je veux que tu restes. Est-ce que tu te rappelles ce qu'on s'était promis? À la vie, à la muerte, c'est ce qu'on s'était dit. À la vie, à la mort, à la vie, à la vie, à la mort. À la vie, à la mort, à la vie, à la vie, à la mort. À la vie, à la mort, à la vie, à la vie, à la mort. À la vie, à la mort, à la vie, à la vie, à la mort. C'était promis, à la vie, à la muerte, c'est ce qu'on s'était dit. Est-ce que tu te rappelles ce qu'on s'était promis? À la vie, à la muerte, c'est ce qu'on s'était dit.